Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va partir maintenant à la découverte des océans. Et pour cela, on a de la chance d'avoir un nouvel outil à notre disposition, un livre fraîchement sorti des presses et paru aux éditions Multimonde. Ce livre s'intitule « Découvrir l'océan » et son auteur s'appelle Serge Lepage. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Lepage. Bonjour Valérie. Alors avec ce livre, vous proposez au lecteur de découvrir l'océan. Et assurément, en matière d'océan, vous en connaissez un rayon parce que vous êtes vous-même océanographe. Je pense que vous avez une longue expérience à récolter des échantillons sur des mers à travers le monde, sur plusieurs océans, pour bien saisir qui a écrit ce livre et donc nous donner la valeur de ce livre. Racontez-nous brièvement les grandes lignes de votre carrière. Et écoutez... Mon intérêt pour la mer s'est développé très tôt lorsque j'étais adolescent. Mes parents, mon père vient d'un village du Bas-Saint-Laurent qui s'appelle Baie-des-Sables, entre Matane et Sainte-Flavie. Mm-hmm. Je passais mes étés là. Donc, déjà, je m'intéressais au milieu marin. Au début de la vingtaine, j'ai fait un cours de technicien en radiologie et je suis allé travailler à Gaspé. Mm-hmm. Et c'est là que tout a démarré vraiment. J'avais participé comme réserviste à la marine canadienne. J'avais été en mer sur des navires de la marine. À Gaspé, et finalement, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aller naviguer. Donc, j'ai commencé un cours d'officier de marine marchande à l'Institut maritime de Rimouski. Et c'est là, en mer, que j'ai découvert que c'était pas seulement de naviguer sur un navire qui m'intéressait, mais c'était de comprendre les phénomènes que je pouvais observer quand j'étais en mer. Mm-hmm. Je suis revenu ici au Québec, je suis revenu à Gaspé, j'ai recommencé à étudier au niveau du collège, ensuite j'ai fait un cours d'ingénieur en physique et j'ai fait des études graduées en océanographie. Donc océanographie et physique, vous avez cumulé les deux. Ouais. Oui, c'est ça, je suis océanographe physicien. Mm-hmm. Parce que, faut-il le dire, les gens en océanographie se spécialisent en général dans le domaine qui les interpelle quand ils sont au niveau du baccalauréat. Donc, ça peut être, mm-hmm. Si c'est un biologiste, il va en général faire de la biologie marine. Si c'est mm-hmm. quelqu'un en géologie, mm-hmm. il va être dirigé vers la géologie. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, vous, c'était en physique. Et donc, de là, vous avez participé à des missions scientifiques sur des navires. Vous avez collecté des échantillons. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, j'en ai. En fait, lors de mes études graduées, j'ai travaillé beaucoup dans le Grand Nord canadien, mm-hmm. à la baie d'Hudson et mm-hmm. à la baie James. Donc, j'avais développé aussi, avec bien des collègues, une expertise du travail en hiver sur la glace. Mm-hmm. Mais ensuite, j'ai travaillé avec des firmes conseils. J'ai récolté des échantillons dans le golfe du Saint-Laurent, dans le fleuve. J'ai aussi participé à des missions qui touchaient à des milieux fluviaux ou lacustres, par exemple, en Afrique de l'Ouest, populaire de Chine. Mm-hmm, donc, j'ai effectivement brolégué un petit peu. Mm-hmm. Donc là, il vous a pris cette envie d'écrire ce livre pour faire découvrir les océans aux lecteurs. Et je dirais que vous y prenez dans deux étapes. Et je vois deux parties, disons peut-être trois, mais essentiellement deux peut-être. Donc la première, c'est de nous fournir des connaissances sur les océans. Donc, vous parlez même de l'histoire, de l'exploration des mers. Et ensuite, on rentre plus dans les connaissances, formation des océans, plancher océanique, pourquoi il y a de l'eau sur Terre, les propriétés physiques de l'eau, les vagues, les marées, la vie. En fait, il y a beaucoup d'informations. Peut-être juste un exemple pour illustrer un petit peu toutes ces connaissances. Moi, j'étais interloquée par quelques données sur les marées. Moi, je pensais que les marées se produisaient à 6 heures, toutes les 6 heures, et c'était partout comme ça sur autour du monde. Et puis là, j'ai appris qu'il y a des endroits, c'est aux 12 heures. Et puis que particulièrement, oui, c'est curieux, oui, ça. Ben, oui, c'est un exemple, parce que le phénomène de marée, c'est un phénomène qui est assez compliqué. C'est le genre de phénomène qui n'est pas facile à expliquer en quelques pages, ouais. Parce que c'est vraiment toute la mécanique céleste, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, mm-hmm. la rotation de la Terre sur elle-même, la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc, ça implique les forces gravitationnelles, ça implique la force centrifuge. Ensuite, l'onde de marée qui est produite, c'est l'addition d'un paquet de composantes mm-hmm. qu'on appelle des harmoniques, un petit peu comme quand on fait vibrer une corde de guitare. Et ces harmoniques-là s'additionnent, mais les principales, ce sont les composantes semi-diurnes, où on a deux marées hautes et deux marées basses par jour, et les composantes diurnes qu'on a, où on a une marée haute et une marée basse par jour. Mm-hmm. Mais là, évidemment, le déplacement de ces ondes de marée-là sur la Terre sont bloquées par les continents. Il y a la force l'hélice de la rotation de la Terre qui entre en ligne de compte, la friction. Donc, bien que dans beaucoup d'endroits, la marée, elle est semi-diurne, mais dans d'autres endroits, elle peut être diurne ou même, qu'on appelle, une entre les deux. Oui. Donc là, c'est toutes sortes de choses que vous nous expliquez dans cette première partie. Puis ensuite, dans une, toujours dans cette partie, vous nous parlez aussi du métier d'océanographe, des outils dont dispose aussi l'océanographe pour étudier les océans. Donc, pourquoi parler des océanographes? On en parle, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, que finalement on parle des océans, puis que tout, c'est comme si on connaissait des choses sur les océans, mais qu'il n'y avait personne derrière pour découvrir, pour faire des observations, analyser. Pourquoi? Il existe quand même plusieurs ouvrages à la découverte des océans où on va voir un paquet de photographies, un petit peu les phénomènes que j'explique. Mais mon but, en fait, même l'origine de mon idée, c'était le livre de Pierre Chastenet, « Je deviens astronome ». Oui, ah, oui. Il m'a donné l'idée de me dire, hey, ça serait fun de faire un livre où je deviens océanographe. Oui. Donc, c'était l'intérêt d'intéresser, de montrer aux jeunes que les informations, la connaissance qu'on a sur les océans, ça se recueille avec des instruments, que c'est un métier extraordinaire, que c'est un métier super intéressant, où il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas de de moments plats, très variés d'une saison à l'autre, très variés dans la journée quand on est en mer. Et c'était mon but. C'est pour ça que j'ai ajouté une section qui parle de l'instrumentation. Ouais. Et en faisant réaliser des instruments avec des objets simples qu'on trouve à la maison. Ben oui, c'est là. Donc, oui, c'est, d'ailleurs, j'en viens d'ailleurs à cette deuxième partie que je vois dans le livre, c'est que là, vous incitez le lecteur à fabriquer des instruments, toutes sortes d'instruments d'ailleurs, avec des objets très simples qu'on peut trouver à la maison, comme vous dites, et pour ensuite faire des expérimentations par nous-mêmes. Alors, ce livre, finalement, vous l'adressez à qui? À partir de quel âge est-ce qu'on va être capable de lire les instructions? Un jeune va être capable de lire les instructions et de mener sa, finalement ses premières expériences d'océanographe? Je dirais que ça dépend si le jeune a été aidé par ses parents ou non, ou ses professeurs, mais je dirais à partir de 12-13 ans, je pense que c'est possible un petit peu plus tôt aussi avec la contribution des parents, mais je pense que les jeunes qui sont au secondaire, milieu du secondaire, ou je visais entre autres les jeunes qui font des expositions, qui aiment les sciences, qui vont faire, qui vont manipuler des choses comme ça. Ah ben c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces instruments et de ce qu'on peut, que vous proposez de fabriquer et des observations, des expériences qu'on peut faire avec? Oui, bien écoutez, simplement, un exemple, c'est un filet plancton avec lequel on peut recueillir des petits organismes. C'est assez simple. Dans le fond, il s'agit de se trouver un filet conique. Donc, j'ai pensé, moi, à un bas de nylon. Ben oui, tout simplement. Auquel on attache... un gros contenant à un bout et un petit contenant percé avec des petits toiles au bout. Parce que quand on parle du plancton, c'est pas seulement les organismes microscopiques, c'est les organismes qui ne sont pas capables de vaincre le courant. Ah, donc, oui. Si on a des petits alevins de poissons ou même des petites crevettes petites, ça peut faire partie du plancton. Évidemment, les vrais filets plancton ont des grillages dont la maille est beaucoup plus petite que ce que je propose. Mais avec ce qu'on propose, on peut tirer ça et quand même recueillir des organismes et les examiner avec un binoculaire ou un microscope. Et puis aussi, il y a des, parce qu'on parlait, il y a les océanographes, bon, physiciens, chimistes, géologues, mais là, vous donnez des expériences, des idées d'instruments, puis d'expériences pour tous ces domaines de l'océanographie. Oui, j'ai essayé de... parce que mon champ d'activité principale, moi, ça a été la physique et aussi la géologie. J'ai travaillé comme comme sédimentologue, mais je voulais donner une panoplie pour intéresser les jeunes qui peuvent vouloir faire de la chimie ou de la physique. Puis même... Et après ça, c'est un départ pour que les jeunes puissent, par eux-mêmes, après ça, expérimenter. Ouais. Puis en même temps, ça doit donner le goût à la méthode scientifique également, de finalement vous donner presque des lignes à suivre pour faire ces expérimentations. Éventuellement, le jeune peut peut-être aller plus loin après. Oui, bien, je parle par exemple du carnet de terrain et de tout ce qu'on appelle les métadonnées pour compléter nos observations, parce que c'est important. Les scientifiques qui font de la recherche ont toujours besoin de ces métadonnées-là et de comprendre... non seulement s'ils mesurent la température de l'eau ou la salinité, d'autres phénomènes qui peuvent influencer ces variables. Donc, j'essaie de faire ça. Et moi, je connais des jeunes qui ont participé à des expositions. conséquences et qui aujourd'hui sont des chercheurs parce que la, la flamme s'est allumée lorsqu'ils étaient fin du primaire ou début secondaire. Puis finalement, votre livre se termine sur le futur des océans en partant un peu de l'état de santé actuel des océans. Donc, on parle de l'acidification, de la biodiversité qui diminue, les stocks de poissons qui diminuent, des fameux continents de plastique également. Est-ce que ce constat, à la fin de vos livres, c'est comme un cri d'alarme pour dire « Hey, réveillez-vous, ça ne va pas très bien dans nos océans » ? Un peu, je dirais, c'est aussi pour indiquer qu'on va avoir besoin des jeunes pour travailler. Moi, je suis plutôt du côté de la retraite, mais on va laisser des océans qui continuent à se dégrader et on va devoir trouver des solutions, on va devoir changer des choses même dans nos habitudes de vie. C'est clair, mais je pense que l'apport des jeunes, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont 10-12 ans, va être extrêmement important. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai essayé de contribuer à promouvoir ma passion de la mer pour intéresser les jeunes à ce fascinant domaine. Le métier est intéressant, le domaine est fascinant. Oui, c'est ça. Donc, finalement, l'océan est malade, mais on veut amener des médecins au chevet du malade. Exactement, on peut dire, oui. En tout cas, c'est un livre complet pour découvrir par soi-même les océans. Et c'est à découvrir à partir des jeunes de 12 et 13 ans. Mais je pense qu'à tout âge, on peut découvrir des informations et on peut aller jouer aussi avec les instruments que vous nous proposez de construire. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lepage, de nous faire découvrir les océans. Ça m'a fait plaisir, Valérie. Et puis, donc, je rappelle que Serge Lepage est océanographe et auteur du livre « Découvrir les océans » paru aux éditions Multimonde. Et maintenant, on va faire une pause publicité sur CKRL au 89.1. Mais restez avec nous. Au retour, on vous parle des animaux altruistes.